Moreno a eu une influence aux États-Unis d'Amérique extrêmement importante. Il est en particulier l'initiateur d'un certain nombre de techniques qui, au départ, étaient des techniques thérapeutiques et qui sont devenues ensuite des techniques formatives, et en particulier techniques formatives au plan des entreprises. Je veux parler d'une technique qui est connue sous le terme de psychodrame. Un psychodrame, c'est essentiellement une sorte de pièce de théâtre improvisée par des acteurs non professionnels, c'est-à-dire par des sujets qui peuvent être en cure psychologique, hein, sur des thèmes qui concernent leur vie intérieure ou leur vie intime, et qui, au cours de cet exercice, peuvent exprimer dans des rôles qu'ils jouent effectivement ce qu'ils ont beaucoup de mal à s'exprimer à eux-mêmes dans un discours réflexif, si vous voulez, ou qu'ils auraient du mal à exprimer dans un discours réflexif à un tiers, par exemple au thérapeute. Ici, lorsqu'ils sont livrés dans une situation, précisément, n'est-ce pas, qui est la situation analogue à celle qu'ils ont eu l'occasion de vivre, hein, ils vont pouvoir exprimer leurs sentiments dans un jeu de rôle. Et le rôle reflétera, hein, leurs problèmes, et ils mimeront leurs problèmes sur cette scène improvisée qu'est la scène du psychodrame. Et effectivement, à New York, Moreno avait créé un centre de sociométrie avec un petit théâtre sur lequel se jouaient à longueur de journée des psychodrames. J'ai moi-même assisté à un certain nombre de ces psychodrames. Et c'était tout à fait saisissant dans les années 50, c'est tout à fait saisissant de voir des gens se lever dans la salle et intervenir et exprimer leurs problèmes dans le jeu qu'ils faisaient avec des partenaires. C'était extrêmement intéressant. Et j'ai eu l'occasion, à cette occasion-là, j'ai eu à discuter longuement avec Moreno et ses collaborateurs, et c'était tout à fait passionnant. Mais cette procédure, qui à l'origine était une procédure thérapeutique, et on s'est aperçu très vite qu'elle pouvait devenir un moyen de formation à l'intérieur de l'entreprise en particulier. Et le psychodrame s'est progressivement transformé en quelque sorte en un jeu moins moins dangereux, qui est le jeu de rôle. Et à travers les jeux de rôle, on pouvait faire prendre conscience à tel ou tel individu, au pluriel, à l'intérieur d'une entreprise ou d'un groupe de travail, faire prendre conscience des problèmes spécifiques à telle entreprise ou à tel groupe de travail.